Bonjour Julien Farge. Bonjour. Merci d'être au micro des chemins de la philosophie ce matin. L'émission prévue ce matin avec Nathalie Desprats sur la place accordée par Husserl à autrui dans sa pensée ne peut pas avoir lieu. Vous avez donc accepté de revenir à ce micro et j'en suis ravie. Car hier, nous nous étions quittés contents mais frustrés de n'avoir pas pu davantage développer nos propos. Alors pour mémoire, hier, nous étions partis de la question du retour au monde. Pourquoi Husserl affirme-t-il vouloir revenir aux choses elles-mêmes? Eh bien, il s'agit, vous nous aviez dit, de dépasser une attitude objectivante à l'égard du monde, celle qui est notamment à l'œuvre dans les sciences, pour prendre en compte et intégrer dans la recherche philosophique ce que Husserl nomme le vécu, ce qui n'est pas réductible à la démarche scientifique, afin de saisir le monde comme phénomène. Vous nous avez rappelé ce qu'est l'intentionnalité, à savoir que toute conscience est conscience de quelque chose, ce à quoi je vous avais rétorqué que dès lors que c'est l'idée de monde qui devient tributaire de notre conscience, en clair, s'il n'y a pas de monde en soi, si le monde est structurellement lié à notre conscience, alors pourquoi maintenir la distinction entre soi et le monde? Vous avez insisté sur l'attitude naturelle qu'Husserl souhaite dépasser et nous nous étions quittés sur le constat commun du paradoxe inhérent à la phénoménologie qui vise à revenir aux choses elles-mêmes tout en semblant nous en éloigner par la grande technicité du vocabulaire employé. Est-ce que vous validez ce résumé? Oui, tout à fait. Bon, alors avant de reprendre le fil de la discussion, voici en guise de présentation, pour donner chair à ce personnage qu'est Husserl, le témoignage d'Alexandre Coiré, philosophe des sciences, qui exprime dans cet extrait sa tendresse et avoue son incapacité à toujours suivre son maître. J'ai connu Husserl bien avant la Première Guerre mondiale, lorsque tout jeune encore, je suis allé à Göttingen faire des études de philosophie et de mathématiques. Les élèves de Husserl formait une espèce de communauté unie dans une société de philosophie qui se réunissait toutes les semaines et toutes les semaines aussi rendait visite au maître. Je me souviens, ce rite, les samedis, on allait faire avec lui une promenade sur la montagne, prendre le thé et discuter des problèmes philosophiques. Lorsque j'ai revu Husserl moi-même, en 1923, à Fribourg, après la guerre, je me souviens des longues discussions que j'ai eues avec lui, dans lesquelles Husserl essayait de m'expliquer la dernière phase de la phénoménologie, la tournure transcendantale de celle-ci, et je dois avouer en même temps mon incapacité de comprendre le maître et mon incapacité de le suivre. Vous êtes Julien Page, chercheur CNRS aux archives Husserl à l'École normale supérieure de Paris. Est-ce que vous sentez, vous aussi, parfois, cette incapacité à suivre le maître dans tous ces raisonnements? Oui, bien sûr. J'imagine que tous les lecteurs de Husserl ressentent à un moment ou un autre le type de difficulté ou d'étrangèreté, de sentiment d'étrangèreté que Coiré ici relate ou dont il décrit la prégnance avec, effectivement, c'est quelque chose d'assez touchant dans ce témoignage. Après, j'allais dire que par profession et par goût aussi, je m'efforce de le comprendre et de partir du principe qu'il y a là quelque chose à comprendre. C'est un très beau témoignage, je trouve, si je peux réagir comme ça à chaud parce que je l'ignorais. Je trouve qu'il nous permet aussi d'insister sur le fait que Husserl avait toujours conçu le travail philosophique comme quelque chose qui n'était pas absolument individuel. Cette idée d'une communauté de pensée ou d'une communauté des philosophes au travail était quelque chose à quoi il tenait énormément. Il était tout sauf quelqu'un qui pensait que la philosophie avait quelque chose à voir avec une entreprise héroïque individuelle. Et il comptait sur le travail acharné, patient et méthodique que plusieurs penseurs pouvaient réaliser en dialogue les uns avec les autres, en reprenant les hypothèses les uns des autres, en critiquant les hypothèses les uns des autres. Et c'est la première partie du témoignage de Coiré que je trouve ici très, très belle. Après, cette difficulté à le suivre, comme on l'a déjà évoqué hier, c'est celle que la plupart des disciples de Husserl ont avoué aussi rencontrer, cette incapacité à le suivre dans le devenir idéaliste, transcendantal de cette phénoménologie, c'est-à-dire au moment où ce projet d'un retour aux choses mêmes devient définitivement pour Husserl l'entreprise d'une description des vécus d'une conscience pure, se rapportant de façon objectivante à des objets à travers ses vécus intentionnels. D'ailleurs, avant qu'on reprenne le fil de la discussion d'hier, puisque vous êtes à nouveau, enfin qu'on va encore passer une heure ensemble pour notre plus grand plaisir, est-ce que je peux vous poser la question de votre rapport à Auxerre, parce que c'est le centre de votre travail aujourd'hui. Oui, donc, pendant de nombreuses années, ça a été le centre et même l'objet quasi exclusif. Qu'est-ce qui vous a tant plu chez Auxerre? Ce qui m'a plu dans un premier temps, c'était, je crois que c'était d'abord l'exigence descriptive. Mon travail universitaire et académique n'a pas été directement phénoménologique. J'y suis venu et j'étais aussi très intéressé par ce qu'on appelle la philosophie transcendantale en général, dans la mesure où elle n'est pas simplement réductible à Kant, c'est-à-dire cette manière de penser qui consiste à s'interroger sur les conditions de possibilité ou les conditions de pensabilité d'un certain nombre de faits. Et lorsque j'ai découvert chez Husserl que ce type de philosophie, ce type d'interrogation se trouvait lié à une exigence de descriptivité, il m'a semblé que je pouvais conjoindre, ou trouver en tout cas conjointe chez Husserl, deux dimensions. Et puis j'avais été aussi impressionné par plusieurs maîtres que j'avais entendus, et j'avais cru sentir une espèce de consonance ou de convenance entre la façon dont il présentait les problèmes et développait les arguments, et ce qui m'attirait. Et donc progressivement, j'ai quitté des études d'abord autour de l'idéalisme allemand pour m'orienter vers la phénoménologie. Et aujourd'hui, les choses s'élargissent de nouveau un petit peu plus, et Husserl est une composante parmi d'autres. Tiens, là, pour le coup, on reprend le fil et on rappelle deux, trois choses. Phénoménologie, donc c'est la méthode qui consiste à accéder aux phénomènes, sachant que les phénomènes, pour Husserl, c'est pas comme la distinction kantienne, l'apparence de la chose en soi. Enfin, non. Disons qu'il n'y a pas les phénomènes d'un côté que l'on peut connaître et la chose en soi qui est inaccessible à la connaissance. Au contraire, accéder aux phénomènes, c'est accéder aux choses elles-mêmes, et c'est le but de la méthode mise en place par Husserl que l'on appelle la phénoménologie. Exact. Accéder aux choses mêmes, les choses mêmes, dans la mesure justement où nous en faisons l'expérience, parce qu'il n'y a pas de choses mêmes indépendamment, si je puis dire, de la façon dont nous nous rapportons à elles. Et de fait, revenir aux choses mêmes, c'est revenir pour Husserl au vécu dans lequel se noue notre rapport au monde et aux choses. Et surtout, c'est quelque chose que peut-être on peut maintenant souligner un petit peu, la phénoménologie est une phénoménologie, c'est-à-dire que pour Husserl, cette description, elle aussi, doit être méthodique, elle doit avoir, en quelque sorte, elle doit se dérouler de façon maîtrisée, elle n'est pas anarchique, elle n'est pas chaotique, et Husserl, c'est quelque chose que je crois nous n'avons pas vraiment souligné dans l'émission d'hier, il y a une dimension tout à fait structurale dans la pensée de Husserl qui cherche à mettre en évidence des structures fondamentales de l'expérience, des modalités sous lesquelles nous nous rapportons, des modalités fondamentales et distinctes selon lesquelles nous nous rapportons aux choses. Avoir conscience d'une image, ce n'est pas la même chose qu'avoir conscience d'une chose, qui n'est pas la même chose qu'avoir un souvenir, qui n'est pas la même chose que se rapporter à une signification. Identifier des types de conscience fondamentaux et montrer en quelque sorte que la conscience elle-même n'est pas un chaos de vécu, comme dit Husserl, mais une structure d'objectivation en quelque sorte, dont le résultat est pour nous un monde ou des choses qui ont leur consistance, qui ont leur sens en quelque sorte pour nous. Peut-être c'est sur cette distinction qu'il faut revenir. Je rappelle que l'émission était initialement prévue autour du thème d'autrui, puisque la philosophe que l'on devait recevoir, Nathalie Desprats, a beaucoup travaillé sur cette question-là. On va adapter l'émission à vos domaines de recherche, hein, Julia Farge, mais on ne va pas évacuer complètement la question d'autrui, parce qu'elle est décisive, notamment parce que nous parlions du monde hier. Peut-être distinguer le monde des choses et le monde des objets. C'est pas la même chose dire je connais un objet, je perçois un objet, de dire je connais un monde ou je perçois un monde. Oui, alors vous avez raison, c'est une distinction absolument cardinale. On a eu tendance chez les commentateurs il y a quelques années à considérer que cette grande différence entre le mode d'être des choses et le mode d'être ou le sens d'être, pardon, du monde était une distinction qui était essentiellement heideggerienne. Qui est un élève de Husserl. Un élève de Husserl. Et le fait est qu'elle l'a remplacé en tant que recteur de l'université. Oui, c'est ça. Enfin, qui a pris à Fribourg. Oui, oui. De Fribourg. Et on a souvent rattaché cette grande distinction essentielle à Heidegger. La publication régulière de textes toujours plus nombreux de Husserl nous a permis de comprendre qu'on avait chez Husserl les moyens de rendre compte, qu'il a été soucieux de rendre compte de cette différence de sens d'être. Être pour un objet n'a pas le même sens que être pour le monde. Pour essayer de préciser les choses, je pense qu'il faut introduire ici un concept fondamental qui apparaît assez tardivement chez Husserl et qui est tout à fait essentiel, qui est le concept d'horizon. En fait, Husserl fait remarquer que lorsque nous avons conscience d'un objet, lorsque nous nous tournons attentivement vers un objet, ce qui est actuellement, en quelque sorte, l'objet de notre attention dans cette expérience, ce vers quoi nous tournons actuellement notre attention, n'est pas la seule chose dont nous fassions l'expérience. En fait, lorsque nous faisons l'expérience attentive d'un aspect de l'objet, nous est co-donné, dit Husserl, nous est donné simultanément, comme un halo qui vient en quelque sorte entourer cet aspect auquel nous sommes attentifs. Donc vient nous être donné simultanément un halo d'autres expériences potentielles, un halo d'autres aspects potentiellement expérimentables, et ce halo de potentialité, il le nomme horizon. Alors c'est quelque chose qu'on peut illustré de façon tout à fait simple, avec un exemple simple qu'on trouve d'ailleurs chez Husserl. Voilà, soit cet arbre que je perçois par la fenêtre dans le jardin. Mon attention est dirigée vers l'arbre lui-même, mais percevoir attentivement l'arbre, ce n'est pas le percevoir en quelque sorte seul. Si l'arbre est actuellement l'objet, si je puis dire, privilégié de mon attention, il se trouve que faire attention à l'arbre, c'est en même temps avoir comme arrière-plan donné avec l'arbre, le jardin dans lequel il se trouve. Et donc, ce que veut dire Husserl, c'est que nous ne percevons jamais, si je puis dire de façon atomique, les éléments auxquels nous sommes attentifs. Chaque fois que nous sommes attentifs à quelque chose, c'est au sein d'un environnement, au sein d'un arrière-plan, d'aspects, d'autres choses qui sont co-données, vers lesquelles je ne tourne pas actuellement mon attention, mais vers laquelle je peux, à tout moment, tourner mon attention pour poursuivre en quelque sorte l'expérience. Ça marche avec ce studio, je regarde le micro ou je vous regarde vous, mais derrière il y a la lumière, derrière encore il y a des enceintes, derrière encore il y a une vitre derrière laquelle se trouve Exactement. Thomas Mann et Théo Gomard. C'est tout à fait ça, et ça c'est ce que Husserl appelle l'horizon externe, hein, c'est-à-dire que toute chose est donnée au milieu d'un arrière-plan, ce qui lui permet d'ailleurs, on peut aussi présenter la même description d'un autre plan, il lui arrive de dire que la perception doit être en réalité conçu comme une exception. Alors, au sens étymologique, percevoir, c'est excevoir, pour ainsi dire, c'est extraire un objet, ou c'est en quelque sorte le faire ressortir, le laisser se détacher d'un arrière-plan, arrière-plan qui est co-donné. L'idée qui est très importante, c'est, si vous voulez, que je n'ai pas besoin de deux actes d'attention pour avoir l'objet et son arrière-plan. Si je suis attentif à l'objet, avec l'objet, m'est donné l'arrière-plan comme ce vers quoi je peux toujours, si je le souhaite, tourner mon attention. Ça, c'est ce que vous appelez l'horizon. Et ça, c'est l'horizon. Et vous avez parfaitement... Qui est donné de manière consciente, mais moins directement perceptible. Exactement. Et la grande différence pour Husserl passe entre l'actuel et le potentiel. Il dit l'horizon, c'est ce qui est co-donné. C'est le halo de potentialité donné avec l'actualité. Si je suis actuellement attentif ou si ce qui retient actuellement mon attention est tel aspect de la chose, eh bien l'environnement de la chose est ce qui potentiellement peut devenir, ce qui est co-donné, mais à la manière de quelque chose de potentiel. Donc en fait, nous visons toujours plus large, si je puis dire, que ce à quoi nous sommes attentifs, ou plutôt ce à quoi nous sommes attentifs se détache toujours sur un fond plus large. Et dans la formule que vous avez eue tout à l'heure, je crois qu'il y a quelque chose de très juste, c'est le « ainsi de suite ». Vous parliez du micro qui nous emmène ensuite dans le studio, puis la cabine derrière. Et c'est très important parce que chaque fois que j'explicite, comme dit Husserl, cet horizon externe, je suis en quelque sorte conduit d'horizon en horizon. Et la thèse devient fondamentale ici, puisque on arrive à cette idée que ce qu'on appelle le monde n'est en réalité pas autre chose que l'horizon de notre expérience. Autrement dit, le monde, cette totalité des objets, ne peut évidemment pas nous être elle-même donnée comme un objet. Ça n'existe pas, un objet qui serait en quelque sorte la totalité des objets possibles. Donc en un sens, il n'y a pas d'expérience du monde comme d'un objet, puisqu'il est la totalité des objets, mais cette totalité des objets m'est donnée en quelque sorte sur un mode horizontal ou horizonal, si on veut jargonner un petit peu, c'est-à-dire que le monde est à l'horizon de chacun de nos objets. Nous faisons l'expérience du monde. À chaque moment de notre vie, à l'état de veille, il est pour nous une effectivité existante, en chair et en os. Mais seul un champ perceptif étroit de réalité et d'enchaînement effectivement perçu est à proprement parler là, en chair et en os, à savoir directement perçu. Ce champ proche est entouré d'une zone d'éléments connus non perçus, mêlés à des éléments inconnus. Et finalement, nous avons le champ éloigné des éléments inconnus ouverts. Et il en va de même pour chaque point du passé. Si nous voulions nier qu'on puisse faire l'expérience du monde en tant que monde, nous devrions de même nier cela à propos de chaque chose individuelle. Chaque objet d'expérience objective possible, qui existe objectivement, et qui est donc attestable intersubjectivement dans une expérience concordante, n'est pensable qu'en tant qu'étant dans le monde. Il se trouve dans le cadre d'une expérience universelle possible, dont l'objet universel est le monde. Les chemins de la philosophie, France Culture, Adèle Van Rett. Alors le texte que je viens de lire, Julien Farge, n'a peut-être l'air de rien. C'est un extrait d'une psychologie phénoménologique, hein, donc des textes qui sont parus entre 1925 et 1928. Et lu sur ce ton avec une guitare douce derrière, tout passe très bien. Or, il y a quelque chose de vraiment radical dans ce qui est énoncé dans ce texte, à savoir, et je prends la première phrase, que nous pouvons faire l'expérience du monde. Il faut quand même savoir qu'avant Husserl, beaucoup de philosophes, bon, non seulement ont écrit, mais ont écrit sur le monde, et que si l'on prend Kant par exemple, Kant démontrait, affirmait surtout l'impossibilité de faire l'expérience du monde, puisque le monde n'est qu'une idée dont on ne peut pas faire l'expérience. Ici, Husserl affirme radicalement l'inverse. Oui, c'est tout à fait ça, et vous avez raison de souligner que derrière cette formule affirmative qui semble une platitude, nous faisons l'expérience du monde, il y a un argument d'une très grande force. Mais à vrai dire, la force vient aussi du caractère de platitude. Nous faisons l'expérience du monde est une évidence qu'il faut brandir, et que l'attitude naturelle, en un sens, a raison de brandir, peut-être contre certaines philosophies qui avaient cru pouvoir nous expliquer que le monde était au-delà de notre expérience possible. Et vous avez raison, ici, Husserl, dans ce passage d'un cours de psychologie phénoménologique, prend le temps d'expliquer à ses étudiants qu'il est parfaitement conscient de l'abîme qui le sépare de la philosophie d'Emmanuel Kant. Il le souligne effectivement dans ce contexte-là. Kant enseigne que le monde est une idée et non pas un concept, c'est-à-dire que aucun objet ne lui correspond, qu'il n'est donc constitutif, que c'est une idée qui n'est constitutive d'aucune connaissance possible, et qu'il n'y a donc pas d'objet qui corresponde à ce concept. L'argument d'ailleurs est très simple, l'argument le plus clair, il est fourni par Kant dans le paragraphe 40, si ma mémoire est bonne, des Prolégomènes à toute métaphysique future, où il dit « La totalité de l'expérience possible n'est pas elle-même une expérience possible ». Et le monde, c'est la totalité de l'expérience possible ou des objets de l'expérience possible. Il n'est donc pas, en tant que totalité, lui-même un objet donnable dans l'expérience. Mais c'est une idée nécessaire à la connaissance quand même. Alors voilà, elle a une fonction régulatrice que Kant récupère, si je puis dire, dans la deuxième partie de la critique de la raison pure, à l'horizon de la dialectique transcendantale. Et le monde a une fonction philosophique, a une portée philosophique en tant qu'idée, c'est absolument certain. En revanche, il n'y a pas d'objet qui lui corresponde et ce n'est certainement pas quelque chose qui décrive une expérience que nous faisons. Et Husserl rétorque que nous faisons l'expérience du monde, c'est même évident, à chaque moment de notre vie et à propos de chaque objet. Et en réalité, on s'aperçoit que la façon dont Husserl répond à Kant consiste à déplacer d'une certaine manière la question, et ce déplacement est assez typique, je trouve, de la méthode phénoménologique et de la façon phénoménologique de philosopher. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on va cesser de se demander ou de s'interroger sur le quoi du monde, qu'est-il ? Et on va déplacer la question vers le comment, c'est-à-dire comment se donne-t-il ? Et à partir du moment où on passe du quoi ontologique, si vous voulez, au comment phénoménologique, au comment de l'expérience que nous faisons de la chose, on peut s'apercevoir qu'il y a bien un mode d'expérience du monde qui n'est effectivement, et là Kant a raison, pas celui des objets, mais ce n'est pas parce que le monde ne se donne pas à la manière d'un objet que nous sommes obligés de reconnaître que nous n'en faisons pas l'expérience. Au contraire, nous en faisons l'expérience, mais sur un autre mode. Et ce mode, nous l'avons déjà exposé il y a un instant, le mode sur lequel nous faisons l'expérience du monde, c'est l'horizon. Le monde est donné à l'horizon des objets, et les objets ont pour horizon le monde. Il y a donc une présence horizontale, mais là, on déplace le problème, parce que je peux vous rétorquer comment fait-on l'expérience de l'horizon ? De l'horizon lui-même, on ne fait jamais l'expérience, puisque par définition, l'horizon est l'arrière-plan duquel se détache l'horizon. Il est à l'horizon, c'est une espèce de point de fuite ou de structure. En fait, l'horizon est une structure de donation, c'est-à-dire c'est un point de fuite, si je puis dire, qui se déplace avec moi. Comme d'ailleurs quand je marche et que je regarde l'horizon du paysage, je m'approche de l'horizon, mais en réalité l'horizon s'est déplacé avec moi. D'une certaine manière, je ne le saisis pas. Il est un agencement, une manière pour les objets de s'agencer les uns à l'horizon des autres, ou les uns en point de fuite des autres. Et la thèse ici très forte de Husserl, c'est que il ne peut pas y avoir en un sens d'objet sans monde, puisque les objets sont toujours pour nous expérimentés comme des objets du monde, quasiment au sens possessif du génitif, là, les objets du monde, des objets dans le monde. Il n'y a pas d'objet qui ne soit pas un objet dans le monde. Et inversement, le monde n'est rien d'autre pour nous que l'horizon des objets. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut du coup, et les deux lectures sont légitimes, choisir, si je puis dire, de quel côté envisager le primat. On peut parfaitement donner un primat aux objets en disant, voilà, nous ne faisons jamais l'expérience, en quelque sorte, du monde comme d'un objet, mais à l'horizon de chaque objet, il y a le monde, et donc nous sommes en quelque sorte menés des objets vers le monde, et on peut dire les objets sont premiers, et à leur horizon, il y a le monde. Et c'est un primat des objets qui serait conforme, si je puis dire, au caractère perspectif de notre perception. Voilà, c'est dans la perspective des objets que nous avons le monde en point de fuite, mais nous pouvons renverser aussi la description et dire, après tout, le monde est premier. C'est bien du monde que nous faisons l'expérience toujours de cette totalité, et les objets sont toujours des objets prélevés sur le monde, des objets qui se détachent de ce tout premier qui est le monde. Et là, on a un primat, si je puis dire, du tout sur les parties. Et tantôt Husserl décrit le monde à l'horizon des objets, tantôt il décrit les objets comme prélevés sur le monde. D'une certaine manière, les deux directions sont légitimes. Reste à savoir s'il faut parler d'un monde ou de plusieurs mondes. Oui. Husserl semble distinguer le monde de la vie du monde scientifique dans un texte que je vous propose d'écouter avant qu'on aborde la question d'autrui, parce que forcément dans la description que vous proposez, on a envie de se dire oui, très bien, mais alors, et autrui dans tout ça? Est-ce qu'autrui est une irruption dans mon monde? Est-ce que le monde d'autrui est compatible avec le mien? Oui. Ou bien y a-t-il un seul monde qui nous englobe? Procédons pas à pas, voici donc un extrait de La crise des sciences européennes et de la phénoménologie transcendantale, le livre d'Edmond Husserl donc, dans lequel celui-ci distingue le monde de la vie du monde scientifique. Il prend une image très claire que nous allons commenter ensemble. Ensuite Julien Farge, celle du vêtement qui vient habiller le monde. Le monde réellement donné dans l'intuition, réellement éprouvé et éprouvable, dans lequel toute notre vie se déroule pratiquement, demeure comme le monde qu'il est. Inchangé dans sa structure essentielle propre, quelle que puisse être notre action, méthodique ou non. Il ne se trouvera donc pas changé parce que nous aurons inventé une méthode particulière, la méthode géométrique et galiléenne, qui porte le nom de physique. Dans la mathématisation géométrique et physique, nous ajoutons au monde de la vie un vêtement d'idées taillé dans l'infinité ouverte des expériences possibles, et qui lui va bien. Celui des vérités qu'on appelle objectivement scientifiques. Ce vêtement d'idées comprend tout ce qui, pour les savants et les hommes cultivés, se substitue au monde de la vie et le travestit. Le monde de la vie est-il identique au monde scientifique? Pour répondre à cette question, Husserl met en œuvre une méthode particulière, c'est ainsi qu'il la nomme dans le texte que nous venons d'entendre. Et un point justement de méthode, avant de rentrer plus précisément dans ce texte, c'est s'interroger sur ce vêtement d'idées qu'il convoque. Je rappelle d'ailleurs que son père tenait un magasin de vêtements, hein, d'ailleurs, c'est oui. Peut-être pas sans lien avec cette image. Peut-être, une réminiscence. Voilà, donc cette méthode, disais-je, s'articule autour d'un concept qu'on a défini hier, mais peut-être pas suffisamment. Qui est celui de réduction. On parle de réduction phénoménologique et je vous avoue, Julien Farge, ça fait presque 15 ans désormais que je lis quotidiennement de la philosophie, que j'en parle à ce micro, etc. Je n'arrive pas à saisir intuitivement ce que signifie que ce terme de réduction. Qu'est-ce qu'on réduit? Alors, je vous rejoins, on parlait tout à l'heure des perplexités des élèves de Husserl et de ses lecteurs. La réduction est un thème extrêmement difficile, qui fait l'objet de multiples exposés, pas toujours compatibles les uns avec les autres, pas toujours aussi clairs les uns que les autres, et il y a assurément des difficultés autour de cette notion. Hier, nous avons en fait tenté de comprendre ensemble ce que j'avais appelé le premier pas ou le premier moment, ou le se sent quoi de cette méthode réductive, qui était l'époque, ce moment de suspension, où avions-nous dit, qui n'est pas exactement la même chose que le doute cartésien, qui consiste en fait à neutraliser la position d'existence ou la position d'être qui, spontanément, que j'attribue hein, à ce dont je fais l'existence, à neutraliser cette thèse, cet engagement ontologique qui statue sur l'être de ce dont je fais l'expérience, afin de me donner les moyens de décrire ce dont je fais l'expérience sans, comment dire, le poids de cet engagement ontologique. Et Husserl, finalement, finit par ressaisir ce moment d'époque, de suspension, et son gain philosophique sous le terme de réduction. Alors on peut juger qu'il est effectivement un peu maladroit, parce que Husserl ne cesse de nous dire qu'on gagne, grâce à cette méthode, un champ de description nouveau, et il utilise, pour décrire cette méthode qui nous fait gagner un champ, un terme qui semble restrictif, le terme de réduction. Oui. Et effectivement, il y a là peut-être de quoi être un peu perplexe. Je pense qu'une des manières de corriger cette perplexité, ou du moins de l'amoindrir, c'est de faire remarquer que Husserl a souvent insisté sur le fait que c'était le sens étymologique du mot réduction qui devait nous guider ici, qui renvoie donc à reduco, le verbe qui veut dire reconduire. Et donc la réduction n'est pas une diminution du champ, n'est pas une diminution en quelque sorte de mon objet ou du champ philosophique ou une diminution du monde, elle est surtout reconduction du regard au phénomène. Nous avions parlé hier de cette captivité qui nous tenait, nous étions captifs des objets et du monde, parce que nous ne voyons que, en un sens, il s'agit, enfin nous ne voyons que les objets que nous tenons pour étant, et nous ne faisons pas attention justement à cet il y a du monde, disions-nous, eh bien la réduction a pour, et cette méthode qui reconduit le regard devant ce dont nous faisons effectivement l'expérience, c'est-à-dire non pas cet objet étant dont nous sommes convaincus qu'il existe face à nous, mais les vécus à travers lesquels quelque chose comme cet objet devient pour nous consistant. Alors pourquoi on ne parle pas de reconduction alors ? Eh bien... Parce que ça semble être le sens réel de la réduction. Alors on peut aussi imaginer... Oui, enfin je vous rejoins parce que... Je ne veux pas réécrire Husserl, mais enfin... Non, mais vous avez raison, d'autant qu'en plus, cette réduction... est une méthode que Husserl brandit contre tous les réductionnismes, justement, c'est-à-dire contre toutes les philosophies qui veulent en quelque sorte réduire l'être à l'objet, réduire la conscience à une chose, réduire... Étrange qu'il ait choisi ce terme, parce qu'en allemand c'est le même terme, j'imagine. Oui, c'est un terme, c'est reduction, c'est-à-dire c'est un plus un terme technique, c'est-à-dire qui est forgé sur le radical latin, mais qui nous indique aussi peut-être que le sens étymologique est le plus prégnant. Après, enfin, une hypothèse qu'on pourrait faire, c'est qu'il y a quand même peut-être réduction au sens où précisément, on a suspendu l'adhésion ontologique, on a suspendu la thèse d'existence, et en un sens, on a, si je peux dire, dégonflé, si vous me passez l'image, on a dégonflé ontologiquement ou métaphysiquement cet objet, et on l'a, en quelque sorte, ramené à son statut de apparaissant dans une expérience. L'être de cet objet dont je suis absolument convaincu spontanément n'est plus que, sous le regard du philosophe, ce phénomène qui prétend à l'être. Réduit à l'essentiel, en fait. Réduit à l'essentiel. Réduit à l'essentiel, ou réduit, c'est ça, à ce qu'il prétend être. C'est-à-dire, la réduction, en neutralisant, si vous voulez, ou en suspendant ma position ontologique, l'être devient phénomène d'être. Et, en quelque sorte, je peux maintenant interroger les structures d'expérience auxquelles correspondent ce que j'appelle pour un objet être ou exister. Voilà. Alors, comment applique-t-on cette méthode? Vous allez regretter d'être revenu, je sens, Julien Farge, au texte que nous avons entendu, donc la distinction entre le monde de la vie et le monde scientifique. Cette méthode de réduction, d'ailleurs, elle n'est pas directement en jeu, me semble-t-il, dans ce texte. Il est question quand même d'une démarche méthodique. Ici, ce texte, il a pour but d'opposer dans un premier temps, de mettre en contraste, comme dit Husserl, dans ce contexte, le monde tel qu'il nous est donné dans l'expérience, et que je peux décrire moyennant la méthode de la réduction, quand j'ai cessé d'être hypnotisé par l'être du monde, il consiste donc à mettre en contraste ce monde tel qu'il nous est donné dans l'expérience ou dans l'intuition, et le monde tel qu'il est construit à travers la science physico-mathématique, à travers la physique mathématique. C'est-à-dire que Husserl cherche à mettre en contraste le monde qui est un monde expérimenté, un monde, comme il dit, donné dans l'intuition, le texte dit réellement éprouvé et éprouvable, ici, c'est-à-dire dont on fait, j'allais dire presque charnellement, l'expérience, avec un monde conceptuel, un monde idéal, qui est le monde que nous présente, si je puis dire, la physique. Un monde de corps, les fameux corps de la loi de la chute des corps, un monde de loi causale, peut-être, ou de régularité mathématiquement exprimable à travers des formules, un monde de particules dont les comportements sont soit prévisibles avec exactitude, soit statistiquement anticipables, etc., dans la physique plus contemporaine. C'est un monde donc de relations et d'entités idéales dont nous ne faisons pas l'expérience. Donc il oppose un monde de la vie qui est un monde tel que nous le vivons, dans l'approximation de notre usage quotidien des objets. C'est la vie quotidienne. C'est la vie quotidienne. Avec ce qui nous suffit pour la pratique, et qui justement ne suffit pas aux scientifiques, avec les objets, avec leurs contours grossiers, nous voyons des ronds et pas des cercles, nous voyons des lignes et pas des droites, nous voyons des régularités et pas des enchaînements causaux mathématiquement calculables. Bien, il oppose donc ce monde grossier, empirique, qui est notre monde de la vie quotidienne, au monde mathématico-physique, qui lui est un monde de particules, un monde de régularité, un monde de lois. Et il nous fait remarquer que ce monde physique, cette nature physique, a tendance, en quelque sorte, à se comporter par rapport au monde de l'expérience comme quelque chose qui le voile ou qui le cache, avec le risque d'une illusion ou d'une substitution qui est apparente lorsque nous croyons, franchement, parce que nous avons été éduqués dans un esprit post-galiléen, nous croyons que nous faisons l'expérience des choses physiques, nous croyons que nous voyons des triangles et des cercles, et nous oublions en quelque sorte que ces triangles et ces cercles ne sont pas ceux avec quoi nous avons un rapport empirique courant, mais sont des constructions géométrico-physiques. Il y a donc une opposition entre les deux, et la métaphore du vêtement d'idées, oui, ici, cherche en quelque sorte à marquer le contraste. Mais est-ce à dire que pour Husserl, le but de la philosophie et de la méthode phénoménologique est de nous ramener à la vie quotidienne? Alors, oui. Comme le souhaite Wittgenstein, hein, qui voudrait justement que la philosophie vienne se frotter au sol raboteux de l'ordinaire. Exact. Alors, je dirais oui, mais jusqu'à un certain point seulement. Oui, parce que son but n'est pas de jouer l'expérience contre la science. Si son but est de nous ramener à l'expérience courante, c'est pour nous faire comprendre, et pour décrire, parce que pour lui, il n'y a qu'en décrivant qu'on peut faire comprendre, décrire comment la science ou le monde scientifique, bien qu'il voile à sa façon le monde de l'expérience, d'une certaine manière, procède de lui. Donc le but de Husserl n'est pas en quelque sorte de jouer l'expérience contre la physique, le but est de montrer et de nous faire comprendre ce que c'est exactement que la nature physique, en nous montrant comment elle sort, si je puis dire, ou comment elle se rapporte au monde de l'expérience. Parce qu'il y a quelque chose que je voulais souligner dans cette métaphore très célèbre du vêtement d'idées, c'est la petite précision qu'ajoute Husserl dans les lignes qui ont été lues à l'instant. C'est un vêtement d'idées, dit-il, mais un vêtement d'idées qui lui va bien au monde. Hein. La physique ajoute au monde de la vie un vêtement d'idées et un vêtement qui lui va bien. Alors c'est très important et on oublie souvent cette précision. Parce que le vêtement lui aille bien, ça veut dire que c'est un vêtement qui certes habille, certes cache, en un sens travesti ou masque. Mais il n'est pas que fonctionnel. Il n'est pas que fonctionnel et surtout il n'est pas que fallacieux, il n'est pas que quelque chose qui vient en quelque sorte défigurer. Comme un vêtement va bien et bien porté, un vêtement bien porté est un vêtement qui, d'une certaine manière, souligne une silhouette, ou en tout cas la met en valeur, et n'a pas nécessairement pour but de la masquer. Alors pourquoi j'introduis cette précision? Parce que ça veut dire que, en disant cela, Husserl dit en fait deux choses à travers cette métaphore. Il dit certes qu'il y a un risque, à savoir celui de prendre la nature physique pour l'étoffe effective du monde, et de croire que nous faisons l'expérience d'une réalité telle que l'a décrit la physique. Ça, c'est vrai, mais, et en ce sens, la physique travestit le monde, mais, d'un autre côté, il s'agit de souligner que cette physique, elle n'est pas sortie de nulle part, et que, d'une certaine manière, elle est en quelque sorte sollicitée, elle est une réponse que le scientifique donne à quelque chose qui est une sollicitation qui lui vient du monde. D'une certaine manière, la physique va très bien au monde de notre expérience, et ce que nous commençons à faire, nous, dans la vie de tous les jours, identifier des corps stables, fixes, qui peuvent nous servir de point de repère, identifier des régularités, qui nous permettent d'anticiper certaines actions ou de faire des projets dans l'avenir. Toute cette attitude d'identification, de stabilité ou de liaison stable et solide, finalement, c'est exactement ce que fait la physique, mais alors de façon mathématique et de façon méthodique, sous la conduite de l'idéal d'exactitude mathématique. Donc la physique ne fait que pousser à l'extrême et à l'extrême limite une attitude, finalement, qui est déjà la nôtre, si je puis dire de façon grossière et simplement pratique, dans la vie de tous les jours. En ce sens, le vêtement qu'elle construit avec ses concepts est le vêtement qui est, si je puis dire, quasiment réclamé par le monde de l'expérience. Pas par notre expérience, parce qu'on n'a pas tous besoin d'être physicien pour vivre dans le monde, mais en quelque sorte, c'est le vêtement que semble réclamer le monde et elle répond à une sollicitation qui lui vient du monde. Ou Husserl, tailleur ou styliste qui s'ignore. Exactement. Alors, comment être sûr que le monde dont je fais l'expérience est le même que celui dont vous faites l'expérience, Julien Farge, dont autrui va faire l'expérience, pour soulever cette question qui semble redoutable, en fait, et dont la réponse ne s'impose pas? Je vous propose qu'on entende le témoignage de celui qui fut le secrétaire de Husserl. Il s'appelle Eugène Fink. Et voici une archive où l'on entend sa voix. C'était en 1957. C'est très émouvant. Il raconte à quel point les relations qu'ils ont tissées étaient intenses. Et puis, vous nous direz ensuite de quoi cette relation était faite, car peut-être est-elle à l'image de la conception que Husserl se fait d'autrui. Les relations qui m'attachent à Husserl sont de premier ordre celles d'une vénération profonde. parce que j'ai eu la fortune extraordinaire de pouvoir vivre plus de 10 années dans la proximité de cet homme qui a été obsédé par la passion d'une pensée incessante et radicale. Husserl a démontré la possibilité terrible et grandiose pour l'être humain de devenir le dépositaire de l'esprit absolu et de vivre pour la pensée jour après jour au fil des années. Vous connaissiez cet archive, Julien Fauch? Non, absolument pas. Et c'est vrai que c'est très émouvant. Je n'avais jamais entendu la voix de Fink, ni même en allemand. Et ce témoignage est très, très frappant. Oui, oui. Et vous me disiez, quand je vous ai parlé de Jeanne Fink, que moi je ne connaissais pas, que non seulement c'était le secrétaire de Husserl, mais surtout qu'il a joué un rôle décisif dans la rédaction du travail de Husserl. Oui, oui, au moment, il devient assistant de Husserl à la fin des années 20, en 28, et très rapidement, Husserl entre avec lui dans une espèce d'intimité intellectuelle sans précédent. Et Fink, dans les années difficiles que nous avions déjà évoquées hier, au moment où le péril nationaliste et nazi se fait sentir de façon de plus en plus lourde sur la personne de Husserl, ce sont les années dans lesquelles Fink était celui avec qui Husserl travaillait et pouvait travailler avec une telle, comment dire, compréhension ou un tel sentiment de compréhension mutuelle qu'il a délégué à Fink la rédaction de certains passages. Il est arrivé à Husserl d'avaliser une préface, un fameux texte écrit par Fink à propos duquel Husserl disait « Il n'y a pas un mot que je ne peux pas considérer comme le mien ». Il a chargé Fink de rédiger une suite aux méditations cartésiennes et il lui faisait confiance pour la reformulation, la mise en ordre et la réécriture parfois de certaines de ses analyses. Et leur activité de pensée à deux s'est développée de façon constante et constamment fructueuse entre 1928 et 1933-34 au moins. Faut-il en déduire que la conception que Husserl se fait d'autrui est celle d'une conception quasiment fusionnelle? Autrui, alors, oui, mais s'il me ressemble beaucoup. En tout cas, on peut se comprendre, et on peut se comprendre au point qu'on peut penser à deux, et ça rejoint d'une certaine manière ce que je disais tout à l'heure sur la communauté des philosophes et sur cette idée que Husserl se faisait du travail philosophique comme d'un travail, d'abord, de la philosophie, un, comme d'un travail, et deux, comme d'un travail à plusieurs, et d'ailleurs à plusieurs, si je puis dire, de façon synchronique au même moment, en contemporanéité, mais parfois à plusieurs diachroniquement dans le temps, c'est-à-dire que nous pouvons, en reprenant les problèmes qui sont ceux que la tradition nous a légués, en revivifiant en nous, en quelque sorte, la volonté, le projet philosophique tel que les Grecs l'ont institué, nous pouvons en quelque sorte littéralement travailler avec eux, et la communauté philosophique devient en quelque sorte trans-historique, ou en tout cas elle a un mode d'historicité propre. Elle n'est pas mise en péril, si vous voulez, par le passage d'une génération à une autre. Donc, est-ce à dire que autrui et moi faisons l'expérience du même monde, alors même, nous l'avons dit, que le monde est constitutif de ma conscience, et donc pas forcément, oui, de celle d'autrui. C'est ça. Alors, il y a là quelque chose d'un petit peu délicat et d'un petit peu difficile, parce que Husserl tient manifestement à dire, à ne rien lâcher, si je puis dire, et à tenir deux choses qui peuvent sembler contradictoires ensemble. Il est tout à fait certain, et il le dit de manière très claire, que ce monde de la vie, que nous avons appelé tout à l'heure le monde de l'expérience pratique, etc., il est à la fois un et plusieurs. Dans le texte qui a été lu tout à l'heure sur Galilée et le vêtement d'idée, Husserl disait « ce monde de la vie, il ne sera pas changé parce que nous avons inventé de la géométrie et de la physique qui s'appliquent à lui ». Et là, il semble dire que le monde de la vie, finalement, n'est pas changé et qu'il correspond, par ce que nous faisons, et qu'il correspond à une espèce de socle identique, constant, qui serait en quelque sorte le rapport fondamental au monde. Mais dans d'autres textes, Husserl fait remarquer que si le monde de la vie, c'est le monde pratique, quotidien, celui dans lequel nous évoluons les uns avec les autres dans notre vie la plus spontanée, alors c'est un monde culturellement marqué, un monde de référence partagée, un monde de conviction, un monde de conscience historique commune, un monde de souvenirs, un monde de valeurs, si vous voulez. Et à ce titre-là, il y a autant de monde de la vie qu'il y a de monde culturel. Et on pourrait très bien dire, d'ailleurs, que chacun a son monde environnant, avec ses objets qui ont du sens pour lui, selon que vous êtes passionné par ceci ou par cela, selon que vous avez l'oreille musicale ou non, ou selon que vous avez, il y a des réalités artistiques qui ont du sens pour vous, qui n'en ont moins pour votre voisin. Il y a des objets de passion et d'intérêt pour vous qui ne sont pas les mêmes. Bon, et tout cela se relativise à la fois, j'allais dire, individuellement, nous n'avons pas les mêmes objets d'intérêt, Mais d'un autre côté, cela se relativise collectivement. Nous avons tout de même, malgré nos différents goûts, une culture commune. Ça peut être par exemple la culture des urbains par opposition à la culture des ruraux. Ça peut aussi se relativiser. Nous avons des cultures nationales ou des héritages culturels, par exemple français, par opposition à l'héritage culturel anglais ou allemand. Et puis il y a la culture européenne, la culture occidentale. Bon. Et à chaque fois, vous avez un monde de la vie, si je puis dire, propre à chaque culture. Et Husserl a l'air d'hésiter entre cette idée selon laquelle le monde de la vie, le monde intuitif, c'est un ensemble de structures d'expérience fondamentales que nous avons tous en commun, et en même temps cette idée qui semble aussi légitime, qui est que finalement chacun a un monde culturellement marqué qui est le sien. On va essayer de prendre un exemple, si vous le voulez bien, avant qu'on continue à développer, pour essayer de comprendre ce que signifie que cette différence culturelle de monde. Accrochez-vous, on va très loin. Vous avez réfléchi pour ma mob ? Dis donc, il y a peut-être plus urgent que ta mobilette, non ? Ça ? Il y a la surboom de samedi. Quel surboom ? Boom, pas surboom. C'est chez qui ? Un mec, tu connais pas. Enfin, comment il s'appelle ? Raoul. Raoul, Raoul comment ? Mais j'en sais rien, qu'est-ce que ça peut faire ? Enfin, t'as l'adresse, le téléphone ? Non, tout le monde y va, je me débrouillerai. Écoute, Vic, il faut quand même que je téléphone à la mère de ce garçon. Mais c'est pas un goûter d'enfant ! Justement, c'est à quelle heure ? 8 heures. Jusqu'à quelle heure ? Et qu'est-ce que tu vas lui dire à la mère ? Vous êtes bien la maman de Raoul ? Votre petit garçon a bien invité ma petite fille à sa surboom ? J'aurais l'air débile ! Hé, hey, oh, un autre ton, hein ? À ton âge, tu ne peux pas sortir sans... Ça fait rien, laissez tomber. De toute façon, vous en avez rien à foutre. Vous pensez qu'à vous. Vous n'êtes même pas aperçu que j'ai paumé ma gourmette en or, que j'ai raccourci ma frange, je vous l'avais même pas vu. J'ai plus rien à mettre, j'ai plus de chaussettes dans mon tiroir. Vous avez même plus le temps de me faire réciter mes sons, ni de me faire à bouffer. Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse. Mais qu'est-ce qu'elle a ? 13 ans. Vous aurez peut-être reconnu Le Monde de la Boum, Julien Farge, hein, oui. Le film de Claude Pinoteau de 1980. Le monde de l'adolescente est-il identique au monde de l'adulte ? Je précise que cet extrait prend tout son sens lorsque l'on sait qu'Husserl est celui qui a thématisé ce qu'il appelle le ressouvenir, dans lequel finalement il y a une sorte de lien entre le moi passé et le moi présent, ce qui est pour Husserl d'ailleurs nécessaire pour essayer d'expliquer non seulement le rapport à la conscience, mais aussi le rapport à l'altérité. Qu'en pensez-vous ? Oui, tout à fait. C'est frappant cet extrait parce que on voit deux choses, me semble-t-il, très bien. Premièrement, que réellement deux mondes se télescopent, au point que d'ailleurs le langage pour décrire l'un n'est pas vraiment traduisible dans le langage de l'autre. On n'arrive pas à... on ne dit pas surboom, on dit boom. Bon, donc c'est pas les mêmes mots, on ne parle pas de la même chose. Les priorités sont pas les mêmes, les références sont pas les mêmes. Et là, ça correspondrait à un conflit ou à un télescopage, en quelque sorte, entre deux formes de ce que Husserl appelle le monde ambiant. C'est-à-dire, le monde ambiant, c'est en quelque sorte l'ensemble des... C'est le monde formé par l'ensemble des intérêts, des références, dont je suis en quelque sorte le centre, hein, qui s'organise à partir de moi, qui est un monde parfaitement mobile. Et évidemment, il peut changer, les intérêts peuvent changer, se renforcer, se supprimer, entrer en conflit, d'ailleurs y compris chez moi-même. Et là, le conflit a lieu entre deux mondes, c'est tout à fait frappant. Et pourtant, et c'est ça qui est frappant, on entre en conflit, ce qui veut quand même dire que on est au moins d'accord, si je puis dire, sur les points sur lesquels on n'est pas d'accord. Ce qui veut dire qu'il y a quand même... D'accord pour ne pas l'être. Oui, c'est ça. Il y a un monde commun, c'est ça ? Exactement. Il y a tout de même un socle commun qui est ici celui qui fournit, si je puis dire, le sol de la, du son sol au conflit. Et j'ai l'impression qu'effectivement, ces deux dimensions-là, à la fois d'une pluralité éventuellement conflictuelle, ou en tout cas, si ce n'est conflictuelle, du moins... d'étrangèreté radicale, de non-compréhension entre deux mondes, c'est quelque chose à quoi Husserl est sensible. Et d'un autre côté, cette idée qu'il y a toujours le socle d'une compréhension possible, parce que pour Husserl, est-ce qu'il faut parler de consensualisme ou pas chez Husserl ? Bref, il y a cette idée que toute contradiction ou toute tension, en quelque sorte, ne prend son sens que dans la perspective d'une résolution future. Et donc, le conflit des mondes qui ne se comprennent pas n'empêche absolument pas ce socle commun qui est toujours là, en quelque sorte, qui est le monde que nous partageons, comme socle d'une entente et d'une compréhension possible avec autrui. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut faire de Husserl une sorte de précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui le multiculturalisme ? Alors, ça semble découler de ce que vous dites. Oui, Husserl est à sa manière un penseur de l'interculturalité, ou à sa manière un penseur en tout cas de la pluralité culturelle. Multiculturalisme, je ne suis pas sûr. Pluralité culturelle, oui. En réalité, tout cela vient une fois de plus chez lui de, parce que c'est pas une opinion sur les cultures qu'il essaye de ou sur leur dialogue possible qu'il essaye de nous proposer. Tout cela vient, comme toujours chez lui, de la façon dont nous faisons l'expérience du monde. Or, quand on décrit phénoménologiquement ce que c'est que le monde, donc comme horizon, la façon dont nous nous rapportons à lui, comment il est structuré, etc., on s'aperçoit que il y a une espèce de dualité ou de tension irréductible. Le monde est quelque chose qui est toujours donné à chacun d'entre nous comme étant le sien, culturellement, si je puis dire, marqué, et en même temps, toujours visé par chacun d'entre nous comme étant le monde que j'ai en commun avec les autres. C'est-à-dire que chacun, en quelque sorte, vit et vise son monde comme étant le monde qu'il peut partager avec les autres. Alors, Husserl a des formules parfois un peu étranges dans lesquelles ces deux aspects se télescopent, chacun a le sien, mais chacun vise le sien comme étant celui qu'il peut partager avec les autres, parce que nous sommes tous convaincus qu'il n'y en a qu'un de monde. Ouais, c'est ça, son propre monde fait norme. Oui, bien sûr. Alors, norme avec tout ce qui est dangereux éventuellement ou difficile dans ce terme, parce que de la norme, on glisse assez facilement à la normalité. Et Husserl s'interroge sur la différence entre ce qui m'est familier est-il exactement ce qui est normal? C'est-à-dire que, si je présente les choses de l'autre côté, ce qui m'apparaît comme étrange ou étranger doit-il être considéré comme anormal? Y a-t-il une compréhension possible avec quelque chose qui m'est étranger? Bon, ça, ce sont des questions qu'il pose. Mais il y a cette double structure très importante. Moi, j'avais relevé une formule, si vous me permettez peut-être juste de la citer. Une formule synthétique qu'il, dans la crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, au paragraphe 71, il dit « Chacun de nous a son monde de la vie visé comme monde pour tous. » Chacun de nous a son monde de la vie visé comme monde pour tous. Il faut dire tout ça en même temps et à la fois si on veut pouvoir décrire correctement la façon dont nous faisons l'expérience du monde. C'est-à-dire que le monde ne se donne jamais comme un socle neutre qui serait, si je puis dire, à tout le monde et à personne. Le monde est toujours vécu par chacun d'entre nous comme le sien, vécu comme le sien, mais en même temps visé comme commun. Et c'est sur cette base-là, qui est une base complexe, si on veut, qu'on peut essayer de comprendre à la fois ce qu'on peut appeler le relativisme culturel, et d'un autre côté, le fait que cette pluralité ou cette relativité des mondes n'empêche pas ou n'interdit pas par principe le maintien d'une absoluité, si on veut. Il n'y a qu'un monde qui est le monde des hommes ou le monde de l'humanité que nous avons en commun et au sein duquel nous avons à nous comprendre. Vous êtes déjà demandé ce qui resterait de Husserl si on l'appliquait au phénomène justement des réseaux sociaux aujourd'hui, justement où chacun exprime son monde. Et peut-être peut-il le faire parce qu'il y a un monde commun, mais est-ce que c'est pas l'écart entre les deux qui est révélé? Alors je me suis jamais posé la question, mais le fait est que l'espace, qui est l'espace virtuel en quelque sorte de l'échange, est celui en même temps, enfin est celui que nous partageons pour pouvoir nous confronter, si je puis dire, et en même temps celui dans lequel chacun fait valoir son monde comme sa norme. Après, la question que Husserl se poserait, c'est dans quelle mesure il y a encore quelque chose comme un partage ici plutôt qu'une juxtaposition de revendications particulières ou de particularisme, hein, parce que avoir un monde en commun, c'est pas simplement avoir chacun un secteur du monde ou être chacun en quelque sorte à côté de l'autre. C'est pas une perspective singulière sur le même point de vue. Non, c'est-à-dire que partager, c'est réellement avoir en commun, c'est-à-dire avoir en partage quelque chose d'unique. Le paradoxe, c'est qu'on l'a en partage, bien que chacun vive le sien, ou si je puis dire, ou vive ce que nous avons en partage à sa manière ou selon son profil, si je puis dire, culturel, ou selon son identité culturelle propre. Il y a un optimisme là de Husserl quand même. Il y a un optimisme, et un optimisme de la compréhension mutuelle. L'harmonie entre le... Oui, mais aussi je trouve quelque chose de tout à fait vif et précieux pour nous, qui est que lorsque Husserl continue, parce que j'insiste sur ce point, c'est toujours à partir d'une étude descriptive des structures de l'expérience du monde qu'il parle, il essaye de montrer en fait que le monde, nous en faisons l'expérience selon des grandes structures, et parmi ces grandes structures, il y a ce qu'il appelle l'opposition du propre et de l'étranger. Et c'est très important parce que ça veut dire que, pour Husserl, l'opposition, ou la différence du moins, entre le propre, ce qui m'est propre et familier, et ce qui m'est étranger, n'est pas une opposition qui menace, en quelque sorte, ma communication avec les autres, n'est pas quelque chose qui vient menacer, et que cette présence de l'étranger, cette opposition, cette tension entre le familier et l'étranger n'est pas quelque chose qui viendrait menacer la cohésion de l'expérience que je fais du monde, elle est au contraire une des conditions de l'expérience que je fais du monde. Pas d'expérience de monde qui ne soit pas structurée selon la tension entre le familier et l'étranger. Ce qui veut dire que l'étranger est une coordonnée, si je puis dire, de mon expérience du monde, et qu'il est donc possible pour moi de critiquer, si je puis dire, ce qui m'est familier par une prise en compte de l'étranger, plutôt que de me refermer en quelque sorte sur ce qui m'est propre et familier en le jugeant normal et normatif. Merci Julien Farge d'être revenu à ce micro une deuxième fois pour nous parler de Husserl. C'était un plaisir comme hier justement. Donc je renvoie les auditeurs au site des Chemins de la Philosophie. On y mettra la bibliographie, votre dernier ouvrage. Vous avez présenté et traduit avec Marie-Hélène Demeul l'ouvrage Normativité et déconstruction, digression dans les leçons sur l'éthique de 1920 de Husserl. C'est aux éditions Vrin. Merci et qui sait, à demain. Conscious of my conscience, c'était Womack et Womack sur France Culture, les chemins de la philosophie. Ça fait le lien avec l'émission de demain qui portera sur la conscience chez Husserl. Mais pour l'heure, il est temps de retrouver le journal de la philo présenté par Géraldine Vosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Vous avez rencontré un médecin, Géraldine. Oui, et j'en ai profité. Vous en faites une chronique. Mais carrément, parce que j'en ai profité pour lui poser plein de questions sur le coronavirus, évidemment. Une de ses remarques m'a cependant plus frappée qu'une autre. De toute façon, le coronavirus circule déjà parmi nous. Alors en faisant des recherches, j'ai vu que cette information était déjà sortie dans les médias. Mais ce qui m'a surtout frappée, c'est cette idée, ou plutôt cette image, d'une force invisible circulant d'une personne à l'autre, s'installant sur une surface de bureau, sur les poignées de porte, dans l'air. Et je me suis demandé comment combattre ça, comment affronter l'invisible. D'ores et déjà, nous avons désigné 108 hôpitaux qui se tiennent prêts à recevoir des malades. Tous les territoires sont couverts, en ville comme à la campagne, en métropole comme en outre-mer. Nous avons commandé 200 millions de masques supplémentaires qui viennent s'ajouter aux réserves déjà constituées et évidemment mobilisable. En écoutant Édouard Philippe, mais en lisant aussi toutes ces pancartes, ces annonces et articles pour lutter contre la propagation du Covid, mesure que je tente bien sûr d'appliquer autant que possible, j'ai l'impression de participer à un supplice collectif. Accomplir une chose dont la finalité n'est pour l'instant jamais atteinte. Comme Sisyphe ou les Danaïdes, les tâches s'enchaînent d'une heure à l'autre, elles se suivent et se ressemblent incontestablement, sans produire pour autant un résultat, ou du moins un résultat visible, palpable, net et définitif. Un lavage de main laisse place à un autre lavage de main, une toux dans le coude laisse place à une autre toux dans le coude, un salut de loin à un autre salut de loin. Je ne vais pourtant pas baisser les bras, je vais bien sûr continuer, mais j'y vois, j'ose le dire, le symbole d'une lutte fondamentale, celle de l'homme contre l'invisible. Comment combattre quelque chose qui nous dépasse, dont les contours sont impalpables? Comment affronter quelque chose que l'on ne voit pas? Car malgré l'avancée de nos connaissances, quelque chose résiste, se propage, alors comment le saisir? Quand ce médecin m'a parlé de cette circulation du coronavirus entre nous, j'ai tout de suite pensé à ces publicités qui imaginent des microbes comme des petits bonhommes verts qui disparaissent sous des jets d'eau savonneuse. Comme si c'était plus facile de se figurer l'ennemi pour le combattre. Ou tout simplement, comme si c'était plus facile de se figurer l'invisible pour vivre. Comme si c'était plus acceptable, plus rassurant. Et puis, j'ai aussi tout de suite pensé à ce film mythique des années 90, Ghost. Mais qui dit ça? Julio, où es-tu? Julio, vous l'entendez? Bon sang, où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Julio, vous pouvez m'entendre? Ça, vous ne m'entendez pas? Je peux pas entendre toi. Vous, écoutez, je m'appelle Sam Witt. Écoutez, vous m'entendez? Sam Witt, dites mon nom, dites-le. Dites mon nom. Arrête. Sam Witt. Ma sœur, où vas-tu? Dites mon nom, Sam Witt. Dites-le. Ah, moi, dis quelque chose, Odame. Sam Witt. Dans ce film, le héros, Sam Witt donc, meurt dès les premières minutes du film, mais son fantôme continue à être parmi les vivants. Il ne veut pas les hanter, il veut seulement continuer sa vie aux côtés de sa femme. Il est donc devenu une puissance invisible. On peut voir ce film comme la mise en question de ce qui se passe après la mort, mais il soulève en fait une autre question aussi vraiment passionnante, la question de l'invisible. De quoi est-il fait? Est-ce qu'il est fait d'hommes invisibles, de puissances insoupçonnées? Là est le paradoxe. Certaines choses nous restent inaccessibles, on ne peut pas les voir, telles quelles, à l'œil nu, quoi qu'on fasse, et pourtant, elles sont là et elles nous touchent. Ça va du virus microscopique au concept immatériel, ça va de l'air du temps insaisissable à l'être des choses. C'est d'ailleurs une question à la mode, qu'est-ce qu'on nous cache? Pourquoi on nous le cache et comment le découvrir? Les complotistes ne font rien d'autre en essayant de trouver une cause première volontairement dissimulée qui agirait sur nous. Plus généralement, c'est aussi l'enjeu de la science qui veut découvrir les principes des lois qui régissent notre monde naturel. C'est aussi, bien sûr, le but de la métaphysique qui entreprend d'atteindre l'essence des choses. C'est étonnant, mais chacun voit l'invisible, à sa manière en tout cas, et chacun veut trouver un moyen de le percer à jour. Mais pourquoi donc vouloir le voir ? Pourquoi une telle fascination pour cet invisible? Les raisons ne manquent pas, se rassurer, comprendre, connaître, maîtriser, ce sont des raisons psychologiques et épistémologiques. J'y vois aussi une autre raison, celle de se figurer quelque chose qui nous échappe. Pas forcément pour la maîtriser, la contenir ou la comprendre, l'expliquer, mais tout simplement pour en avoir une idée. C'est une question qui me revient souvent. À quoi ressemble cet air que je respire? Comment décrire ce qui file entre mes doigts, ce qui n'a pas d'image? Et j'en fais l'expérience chaque jour, tenter de me figurer cet invisible qui est là sans être là. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Manon de la Selle avec Clara de Giovanni, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Thomas Bou qui réalise cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'était Théo Gomard. À la lecture des textes, Vincent Schmitt. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour du phénomène Husserl. Demain, on sera en compagnie du philosophe Philippe Cabestan et on s'interrogera sur la conscience chez Husserl. Je doute. Donc, je ne suis pas. Voilà comment il opère le renversement cartésien. Vous en saurez plus demain à 10h. D'ici là, pour écouter cette émission, ces émissions avec Julien Farge hier et ce matin, c'est très simple. Vous vous rendez sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster, afin d'écouter où vous voulez, quand vous voulez. L'équipe vous donne également rendez-vous sur Twitter, Facebook, Instagram. Vous pourrez découvrir les stories de l'équipe des Chemins de la Philosophie et découvrir le nouveau studio de France Culture. Vous pouvez aussi laisser vos remarques et vos commentaires. Allez, on se retrouve demain à 10h. D'ici là, lavez-vous les mains et restez à l'écoute sur France Culture.